Et y a-t-il un bon dîner aujourd'hui ? Demanda Bette. Mariette hésitait à répondre. Elle soutenait mal le regard de la Lorraine, quand la porte du salon s'ouvrit et le maréchal Hulot sortit si précipitamment qu'il salua Bette sans la regarder et laissa tomber des papiers. Bette ramassa ses papiers et courut dans l'escalier, car il était inutile de crier après un sourd, mais elle s'y prit de manière à ne pas pouvoir rejoindre le maréchal. Elle revint et lut furtivement ce qui suit, écrit au crayon. « Mon cher frère, mon mari m'a donné l'argent de la dépense pour le trimestre, mais ma fille Hortense en a eu si grand besoin que je lui ai prêté la somme entière, qui suffisait à peine à sortir d'embarras. Pouvez-vous me prêter quelques 100 francs, car je ne veux pas redemander de l'argent à Hector. Un reproche de lui me ferait trop de peine. » « Ah ! Pensa Lisbeth, pour qu'elle ait fait plier à ce point son orgueil, dans quelle extrémité se trouve-t-elle donc ?